Et ça c'est Zitaninel. Et depuis les Miquiliens, les affaires sont les affaires. Et cette fois-ci, je vous ai laissé le pays. Yeah. Kanisi, papa si koyo na moni. Wanzabe, j'ai mal à tête et mal au côté. Oh, moi j'ai pleuré fatigué. Oh, on me chanterait quoi quoi oh. N'est-ce pas vraiment, ce n'est pas possible. Oh, pour moi vraiment, ce n'est pas possible. Oh, oh. Oh, moi je pleurais fatigué. Oh, oh, ma chambre est quoi, t'es quoi, t'es beau. N'est-ce pas vraiment, ce n'est pas possible, oh. Pour moi, vraiment, ce n'est pas possible, oh, oh, oh. Tanti monte maro, moi c'est un sentiment, eh. Tanti monte maro. Oh, sentiment monté ma hatia. That's bongo. Ya. Yeah. Para sonar aquí. La calle de la Titán.